Portugal, João. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et bien voilà, donc et bien bonjour tous à vous toutes déjà, et puis bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel avec Nicolas, avec bien sûr les chansons souvenirs pendant quelques heures, et puis donc on va retrouver les années 1900 jusqu'en 1950. Déjà avant d'écouter tout simplement ces chansons anciennes et souvenirs, et bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine, puis aussi une bonne matinée, et puis donc et bien nous sommes ensemble pendant l'après-midi avec des chansons pour vous faire plaisir, et puis là aussi tout simplement pour vous faire tout oublier vos soucis. Donc et bien Arc-en-Ciel avec toutes ces chansons souvenirs, et bien vous rappelle tout simplement les souvenirs. Voilà donc et bien sans tarder on va débuter l'émission avec un appel Joanne Daniel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Voici donc eh bien la comment s'appelle Santa Laïe, c'est la marquise. Elle boit du pistogorn avec une paille. Ses soirées sont féodales, tout en gardant l'ambiance familiale. En veste quadrillée, professeur d'honoré a remplacé Bach et Mozart par du Léo Ferré. Et le vicomte de la mouche molle tricote des gambettes comme une petite folle. En tortillant des hanches, elle reçoit Gontran et lui dit: ma vieille branche, ce soir on va guincher, je vous en prie baron, ne soyez pas guindé. Et passez la monnaie, on accepte les billets. Le bridge est de côté, le 421, c'est le roi de la soirée. Vous avez fait nénette, moi j'ai fait une tierce et pendant la bavette. Et passez-moi les dés, je vais vous ratatiner. La marquise sans canaille, tout est illuminé comme à Versailles. On pratique la courbette, mais tous les domestiques ont la casquette. Firme qui se met dans le ton, on vous dit: allez-y donc, jetez-vous ce petit godet entre les écussons. Et si vous tenez pas la dose, on ira vous quérir parmi les roses. Le menu est de choix, tous les invités y mangent avec leurs doigts. Ils mélangent la volaille avec le caviar et le saucisson à l'ail. Et passez la bécasse, on accepte les carcasses. Mais ils ont la manière, chacun garde bien le petit doigt en l'air. On s'appelle Véganache, mais on n'oublie pas de s'essuyer les moustaches. Passez-moi la serviette, que je m'époussette la collerette. La marquise sans canaille, tout le monde est enchanté de la ripaille. Le vicomte de la mouche molle, pour notre belle marquise perd la boussole. Il lui chante une berceuse, sa main devient baladeuse. Bien vite elle lui répond: mon cher, mais tu es l'orveilleuse. À 5h du matin, la marquise est fière. Yana gagné. Le titre s'appelle tout simplement Claudine et Gonel. A grandi sans façon, des filles aussi belles, il y en a pas des millions. Lorsque l'hiver commence à sévir, elle met son manteau de ratine. Mais au printemps, quand tout veut fleurir, elle a sa robe de mousseline. Claudine de Grenelle, quelle que soit la saison, le ciel se mire dans ses prunelles et son cœur est plein de chansons. Mais un jour à Grenelle est passé un garçon. Mon Dieu, vous êtes belle, a-t-il dit sans façon. J'ai dans mon cœur du bonheur pour deux, on peut partager, c'est facile. Main dans la main, du ciel plein les yeux, s'en sont allés bien tranquilles. Et tous deux, dans Grenelle, ont promené leur bonheur. Toujours du ciel dans les prunelles, et toujours des chansons au cœur. Claudine de Grenelle, tu n'as rien. Ritournelle est dans tous les quartiers. Qu'on soit passé d'Auteuil ou d'ailleurs, l'amour trouve toujours domicile. Et dans Paris, les histoires de cœur sont les lampions de la ville. Claudine de Grenelle chante et danse à Paraison. La grande ronde avec tout simplement, il s'appelle George Milton, pardon. Dans les bagnoles aujourd'hui, c'est la poule qui conduit. Le monsieur roule des yeux de beau, volant quel fil de sa chevaux. Il a l'air très embêté, assis à sa côté. Et quand elle serre les freins, il serre aux trois chevaux sans entrain. Il lui faut du courage, quand elle prend ses virages. Pour moi, j'en vois un croisement du bois qui fond sur moi vivement. Je n'engueule pas, mais galamment, je lui fais. Ouais, ouais, que belle forfait. Ouais, ouais, on se fait. Ouais, ouais, et puis ça y est, je souris. Ouais, ouais, elle sourit. Ouais, ouais, on sourit. Ouais, ouais, on s'est compris. Alors le monsieur qu'il voit, c'est une sale trompette. Il y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui fais. Ouais, ouais, elle me fait. Ouais, ouais, on se fait. Ouais, ouais, et puis ça y est. Jadis on se faisait la cour avant de parler d'amour. Ça dure très longtemps, rien que sur la pluie et le beau temps. Ce n'était que le lendemain qu'on se faisait la main. Et 15 jours après qu'on s'embrassait d'un peu plus près. Moi quand du pas m'excite, j'y vais beaucoup plus vite. Mon gars sorta, lui flanque un coup de poignard. Je lis au fond de ses yeux, j'en ai pas plus, ça va bien mieux. Je lui fais, ouais ouais, elle me fait. Ouais ouais, on se fait. Ouais ouais, et puis ça y est. Je souris, ouais ouais, elle sourit. Ouais ouais, on sourit. Ouais ouais, on s'est compris. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle dit d'un air enchanté, je voudrais que tu recommences. Je lui refais, ouais ouais, elle me refait. Ouais ouais, on se refait. Ouais ouais, et puis ça y est. Faut sinon que bien Félix Leclerc avec le petit bonheur. Petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Messieurs, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur,

suivent le navire, les grands bateaux qui vont vers le soleil. Je t'ai suivi en me laissant conduire par l'éclat de ton rire, l'éclat de mon soleil. J'étais là-haut dans un ciel de pervenche, comme ces oiseaux qui planent sur la mer. Je t'ai suivi comme une mouette blanche. Je t'ai suivi vers un autre univers, comme ces oiseaux que l'orage déchire, comme ces oiseaux privés de leur soleil. J'ai vu bientôt s'éloigner le navire, le merveilleux navire, emportant mon soleil. Et loin des bords de la terre promise, le vent du nord m'emporta pour toujours. Mon cœur est mort comme une mouette grise, cherchant le port à la tombée du jour. Mon cœur est mort loin, bien loin. Son titre, Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser, la valse musette. Je ne sais pas danser, et je le regrette. car celle que j'aime adore ça, adore ça, adore ça. Mais moi je ne sais pas danser, et je la regarde, regarde valser, et quand elle tarde, entre les bras d'un beau gars, et qui la serre contre soi, alors moi, je n'aime pas ça. Quand elle m'a demandé de l'emmener danser, j'aurais bien dû oser, oser lui refuser, car je tremblais des mois quand je suis maladroit pour valser en cadence. Quand je suis dans la danse, là j'ai perdu d'avance. On a fait quelques pas, elle s'est moquée de moi, les couples qui tournaient en passant ricanaient de me voir trébucher, alors j'ai tout lâché et regagné ma place, sans même sauver la face. Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne sais pas danser, et j'y vais tout de même, et je me suis lancé, car je sais qu'elle m'aime. Et c'est fou ce que j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Oh là, nous allons danser notre vie entière, et toujours valser, elle est si légère. Quand je la prends dans mes bras, la la la la la la la, et qu'elle se serre contre moi, contre moi, ah ce que j'aime ça. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Voilà donc, il y a par contre, si vous aimez danser, ben donc, voici quelques morceaux d'accordéon. Thank you. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc un accordéon, on en retrouvera donc tout à l'heure. Et voici, elle s'appelle Jiski, avec tout simplement « Quand refleuriront les lilas blancs ». Printemps, printemps, c'est toi qu'on guette dans les bois, où les amants heureux vont s'en aller par le feu. C'est toi qui feras se pâmer tendrement, c'est le cochet éperdument. Printemps, j'attends pour la tenir dans mes bras, la complicité des lilas. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants, que les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise des bêtises. Quand refleuriront les lilas blancs, on écoutera tous les serments, car l'amour en fait tournera les têtes. Quand refleuriront les lilas blancs, le doux parfum des fleurs embaumera nos cœurs, et nous serons ravis par la chanson des nids. J'aurai sa jeunesse et mes plus beaux baisers sur sa bouche iront se poser. Un brin de lilas rappelant ce beau jour sera notre gage d'amour. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants, que les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise des bêtises. Quand refleuriront les lilas blancs, on écoutera de faux serments, sans qu'on se souvienne des amours anciennes. Quand refleuriront les lilas blancs, pour l'horizon vermeil, l'ange invisible. rester avec Bourville, et Bourville nous amène du côté de la campagne. On chante tout le temps Paris, la place Pigalle, les îles des Tentants ou les beautés fatales. Moi je vais chanter mes chants et d'une voix très ferme, ouvrant ma bouche en grand, je vais chanter la ferme, la ferme de mon pays, ses bois et ses prairies. La si jolie Julie et même sa laiterie. À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. À la campagne, avec ma compagne, on est bien heureux près de nos deux bœufs. Quand il faut semer, tous les jours on sème. Et le soir quand on a semé, alors on s'aime. Car vous le comprenez, c'est bon de s'aimer avec ma compagne. Ah, cette vache là, à la campagne. On fait fête aux moissons quand les oiseaux gazouillent, lorsqu'on tue le cochon. Quelle joie de faire l'andouille. Moi je me plais au grand air, car j'y travaille à l'aise et j'y bien sûr mes terres, où toujours ne vous déplaise. Des murmurions, des becs décoteront, des cris-cris-cris seront, des épipis pousseront. À la campagne, avec ma compagne, on rit, je le confesse, comme une paire de fous. À la campagne, avec ma compagne, on mange à gogo comme de satisfaits. Du travail au champ, jamais on ne s'en lasse. Et le soir nullement lassé, puis on s'en lasse. Car vous le comprenez, c'est bon de s'en lasser avec ma compagne. Ah, ce vache là, on peut pas être tranquille à la campagne. Dans les mois creux, l'on chasse et l'on pêche. Et le soir, quand on a pêché, alors on pêche. C'est ainsi qu'est né, né un nouveau-né, avec ma compagne. Tu es famille alors? À la campagne! Voici donc bien Jean Sablon, le petit chemin. Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez venir, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Et ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales, dont les vieux cantonniers sont rois, ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et les poteaux télégraphiques ont un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. Ah bah les routes rebattues, les tas de pierres et la poussière, et l'herbe jaune des talus, les cantonniers n'en font plus. Nous nous avons pris un raccourci, le petit chemin que voici. Et ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés, et puis sur ta figure, toute barbouillée de murs, pour nous surveiller. Des milliers de bêtes s'étaient rassemblées par-dessus nos têtes, mais un lièvre au passage nous a dit soyez sages, ne crains rien, prends ma main. Dans ce petit chemin, ce petit chemin. Avec Arc-en-Ciel, découvrez la passion de la musique. Voici Edith Piaf avec son titre s'appelle Le Monsieur Saint-Pierre. Et bien c'est pour Lily Amoli. Et puis juste après elle, et bien tout simplement des chansons de Lily. Et puis même un petit coucou. Y a pas à dire, j'aime bien la vie et un peu trop les beaux garçons. Moi j'ai un cœur qui se multiplie et ça me fait des drôles d'addition. Et j'arrive pas à avoir honte, je suis tranquillement une fille de rien. Mais quand faudra rendre des comptes, je me demande si tout ça passera bien. Et ça me fait peur, car on m'a dit qu'on ne prendrait pas en paradis. Oh mon bon monsieur Saint-Pierre, vous pouvez me passer à savon et me traiter de tous les noms. Vous pouvez me faire perdre mon sac, celui que j'ai volé rue du Bac. Mais retenez ma place au paradis. On m'a tellement dit que c'était joli. Regardez-moi bien, je suis si pauvre. Regardez mes mains. Pas de ma faute, ils m'ont tous lu. Oh mon bon monsieur Saint-Pierre, je ne sais pas faire de barrière. Mais on dit que vous êtes si gentil, retenez ma place au paradis. Y'a pas à dire, j'aimais la vie, mais maintenant ça m'avance à quoi? Me v'là toute froide et toute raide, entre quatre planches de bois. Vraiment mon âme n'est pas pierre devant la porte de cristal. J'entrevois derrière Saint-Pierre une éternité d'idéal. Je ne suis qu'une âme de rien du tout. Je ne sais même pas. Vous pouvez m'enlever mes désirs, me priver de tous mes souvenirs. Vous pouvez me confisquer mon clic, celui que m'a payé le beau Philippe. Mais donnez-moi ma place au paradis. On m'a tellement dit que c'était joli. Regardez-moi bien, je suis si pauvre. Regardez mes mains. Tous mes péchés et mon vieux cœur là de tricher. de prière. Alors mettons que je n'ai rien dit, mais gardez-moi au paradis. Bonjour, c'est Lily et Harmonie sur Radio Arc-en-Ciel. Et que m'importe d'où tu viens et de n'importe quel continent. Nous sommes tous invités sur terre. Nous ne sommes pas si différents. Il suffit simplement d'y croire, de se parler, de le vouloir. Aucun jour, enfin, que renaisse un autre monde sans nos faiblesses. De fraternité pour que le soleil enfin inonde de ses rayons vers cette amitié. Il suffit parfois de presque rien et peut-être une main tendue à prendre de l'autre. Et oui, moi j'ose savoir que le temps n'est pas perdu. Les confitures, les chevaux de bois. S'il y en a qui aiment tous ces trucs-là, pas moi. Et la raison est bien la voilà. J'aime toutes les femmes d'un même amour. Mon cœur, mesdames, battra toujours. Pour une brune, une rose, une blonde, qu'elle soit d'une des cinq parties du monde. J'aime toutes les femmes, et c'est charmant. Quel beau programme pour un amant. Sans me fixer un jour, je peux dire sans détour. J'aime toutes les femmes d'un même amour. j'en connais qui ne peuvent en aimer qu'une. Oh, oh, quelle infortune, mais ils n'ont pas le choix. Moi, je garde une place pour chacune. Aucune, aucune, oh, mais non, ne me laisse pas. S'il y en a qu'un seul amour, bien là, oh, oh, pas moi. Et la raison est bien là, voilà. Petite raison de rien du tout, ça n'a l'air de rien, mais c'est une raison majeure quand même, parce que... J'aime toutes les voix, d'un même amour, mon cœur, mesdames, attrape chaud. Pour une brune, une rousse, une blonde, qu'elle soit l'une des saints paradis du monde. J'aime toutes les femmes. Oh, oh, c'est charmant. Quel beau programme, hein? Un bourbon amant. Ça me fixe. Un jour, je peux dire sans détour. J'aime toutes les femmes. Toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc eh bien Jean-Pierre Dugy. Nuage là-haut, dans le vent qui vous mène, écoutez. Rivières et ruisseaux qui couraient dans la plaine, écoutez, je chante ma peine. Titre de la chanson, c'est une longue chanson au nuage. Aquitaine, pour vous les oiseaux dans le cœur du grand chêne, écoutez. Et vous les échos qui dansez sur la plaine, écoutez, ohé, ohé, qu'elle revienne et que revienne l'été. Ainsi chante sur la grande route un pauvre garçon sans sa belle, mais rien autour de lui n'écoute. Les nuages dans le ciel, il marche suivi de son rêve, nu-tête malgré les saisons. Et voici qu'à nouveau s'élève cette chanson. Nuages là-haut, dans le vent qui vous mène, écoutez. Rivières et ruisseaux qui couraient dans la plaine, écoutez. Je chante ma peine aux horizons même, que celle que j'aime a quitté. Pour vous les oiseaux dans le cœur du grand chêne, écoutez. Et vous les échos qui dansez sur la plaine, écoutez, ohé, ohé, qu'elle revienne et que revienne l'été. Voici donc qui s'appelle Cora Vauquer. Quand reviendras-tu? Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Ensemble, nous verrons les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Sais-tu que tout le temps qui passe ne sera pas. plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer l'amour. Si tu ne comprends pas que tu dois revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Voici donc qui vient Lynn Renault qui nous amène du côté du pays, tout simplement Lavande, et le titre de son titre s'appelle Bleu Lavande. Grand-père était jeune garçon et grand-mère petite encore. Il lui fredonnait cette chanson qu'il m'apprit à leur noce d'or. Bleu, joli bleu, joli, joli, le bleu lavande. Une légende, joli, joli, brille en tes yeux. Lorsque plus tard, joli, joli, tu seras grande, fais-moi l'offrande, joli, joli, d'un peu d'amour. Partageons en frères et sœurs tous nos rêves enchanteurs et cet amour en fleurs. Paysages de pastel, clair de lune au ton de miel, nous vivrons sous un joli joli ciel d'un bleu, joli joli, d'un bleu lavande. Je ne demande qu'un peu de bonheur pour tous les deux. La rendit heureuse, c'est pourquoi lorsque tu t'endors, je le redis comme une berceuse pour protéger tes rêves d'or. Joli, joli, d'un bleu lavande, une légende, joli, joli, brille en tes yeux. Joli, joli, tu seras grande. Joli, joli, d'un peu d'amour. Partageons en frères et sœurs tous nos rêves enchanteurs et cet amour en fleurs. Paysages de pastel, fleurs de lune en ton de miel, nous vivons sous un joli, joli ciel d'un bleu, joli, joli, d'un bleu lavande. Je ne demande qu'un peu de bonheur pour tous les deux. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Voilà. Jacques Brel, le titre Je t'aime. Au calice des fleurs, de n'être pas aimé, il ressemble à ton cœur, je t'aime. pour le doigt de la pluie, au clavecin de l'étang, jouant page de lune, et ressemble à ton chant, je t'aime. Pour l'aube qui balance sur le fil d'horizon, lumineuse et fragile, et ressemble à ton front, je t'aime. Pour l'aurore légère qu'un oiseau fait frémir en la battant de l'air, et ressemble à ton rire, je t'aime. Pour le jour qui se lève et dentelle le bois au point de la lumière, et ressemble à ta joie, je t'aime. Pour le jour qui revient d'une nuit sans amour, et ressemble déjà, ressemble à ton retour, je t'aime. Pour la porte qui s'ouvre, pour le cri qui jaillit, ensemble de deux cœurs, et ressemble à ce cri, je t'aime. Belles heures de ma vie, je te les dois. Elles ont fleuri doucement entre tes bras. Pourquoi les jours, quand tu es là, sont-ils trop courts pour moi? Je n'en sais rien, mais près de toi, je suis bien. Les plus belles heures de ma vie, je te les dois. Et dans tes yeux qui sourient, il y a tant de joie. Au fil du temps qui court, les aiguilles chantent l'amour. Les plus belles heures de ma vie, oui, je te les dois. Heures de ma vie, je te les dois. Et dans tes yeux qui sourient, il y a tant de joie. Qu'au fil du temps qui court, les aiguilles chantent l'amour. Les plus belles heures de ma vie, oui, je te les dois. Jacqueline Dano et le titre, tu vois, Maman. Toi, maman, que j'aime tant, toi qui m'as tout donné, pour ton humble dévouement, comment te remercier? Il faudrait, je le sais bien, de merveilleux présents, mais je n'ai que ce refrain. Cependant, mamie, avec de doux baisers, sur cette terre, j'ai mis mes plus tendres pensées pour l'amour. Ce petit mot, ma foi, que l'on dit un peu à tout propos. Oh maman, quand il s'adresse à toi, ce merci vaut les plus beaux cadeaux. Toi, maman, que j'aime tant, toi qui m'as tout donné, pour ton humble dévouement. Je viens te remercier. Je n'ai pas, tu le sais bien, de merveilleux présents. Non, je n'ai que ce refrain pour toi, maman. Oui, mamie chérie, avec de doux baisers. Enfin pour toi que j'aime tant, tout au fond de mon refrain, mon cœur pour toi, maman. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Tu veux que je t'aime, surtout ne me dis rien, et comprends que moi-même, j'ai peur de mon destin. Tu le vois, je préfère garder comme un trésor notre amour est sincère, plus pur que de l'or. Si tu veux que je t'aime, surtout ne me dis rien, que la vie elle-même choisisse nos lendemains, que l'orage qui gronde éclate au fond des bois, comme au fond de nos cœurs. De joie. Si tu veux que je t'aime, chérie, tu le sais bien, tu es plus que moi-même, tu es mon seul soutien. À la face du monde, je veux crier un jour mon secret, c'est pour moi qu'on aime bien, c'est Patrice et Mario. Donc voici un couple et voici un des morceaux. Un petit âne brésilien doucement dans le matin descendait de la montagne. En mâchant son picotin, il allait sur le chemin qui conduit vers la campagne. Pour le guider dans les sentiers, il avait à ses côtés la plus jolie des indiennes. Et tout de longeant les ravins, ils allaient vers leur destin, là-bas au bout de la plaine. Ils se disaient que bientôt, ils reverraient de nouveau son vieux rancho, son petit enclos, ses pâturages. Elle se disait à son tour, je vais revoir mon amour. Voilà pourquoi depuis tant et tant de jours, un petit âne brésilien doucement dans le matin poursuivait son grand voyage. Et qu'une indienne aux yeux malins, en le flattant de la main, le guidait vers son village. Mais un jour les ayant vus de loin, Pablo, le brigand de grand chemin, tous les deux soudain les arrêta et dit à la belle, tu es à moi. Le petit âne brésilien laissa faire le coquin aux façons bien familières. Mais quand les choses allèrent trop loin, le petit âne brésilien alors se mit en colère. Avec ses deux petits sabots, il se rua sur Pablo pour délivrer sa maîtresse. Et le bandit tout effrayé ne pensa qu'à détaler sans plus demander son reste. C'est ainsi que nos amis, après deux jours et trois nuits, un bon matin sont arrivés dans leur village. La petite Agnès s'élança vers un garçon tout là-bas qui l'attendait pour la serrer dans ses bras. Le petit âne brésilien qui les regardait en coin semble dire folle jeunesse. Puis à son tour au petit trot, il s'enfuit vers son enclos revoir sa petite ânesse. Avouez qu'il le méritait bien, le petit âne brésilien. Et c'est tout simplement interprété par Jacques Marouel. On l'appelait Caramel, de son prénom Raphaël. Il était né à Noël dans un hôtel. Il était fort comme une veuve, il était sauve comme une œuf. Il habitait à deux pas de la rue Marbeuf. Comme il avait le type un peu mexicain, il possédait une sacrée poêle dans la main. Mais il était sensuel, énormément sensuel. Voilà d'où vinrent les malheurs de Caramel. Quand une fille passait devant lui en vélo, il ouvrait des yeux en boule de loto. Sa voix faisait des trémolos. Immédiatement, il devenait chaud, trop chaud. On l'appelait Caramel, de son prénom Raphaël. Il racontait ses exploits sensationnels. Les longs soupirs de midi, les petits cris de cri-cri, les souvenirs des scénouis, des frénésies. En écoutant toutes ces histoires de jupons, les femmes disaient, ouh, il a tout un cupidon. Car il était sensuel, énormément sensuel. Voilà d'où vinrent les malheurs de Caramel. Un beau jour, il rencontra au six jours une belle fille, Caramel lui fit la cour. Quand elle lui donna rendez-vous, il faillit en son prénom Raphaël. Dans son émoi, elle l'appelait mon Gabriel. Elle l'emmena sans tarder, elle le couvrit de baisers. Puis elle sauta tout à coup en disant « Olé, caramel, olé !» N'y tenant plus, elle lui dit « Je suis à toi !» Mais Caramel resta timide et pantois. Depuis ce jour, voyez-vous, il peut aller n'importe où. Dans tout Paris, on l'appelle Caramel Mou. Ah, quel soleil magnifique! Ah, quel matin radieux, l'air est empli de musique, et tout sourit à mes voeux. Au lointain tremble sur la rivière, une écharpe de brume légère. Le blé des moissons offre au vent sa toison, partout vient d'éclater le grand bal de l'été. Ah, quel soleil magnifique! Ah, quel matin radieux! L'air est empli de musique et tout sourit à mes voeux. Dans les prés fleuris de pâquerettes, les troupeaux font teinter leurs clochettes, tandis qu'au hasard se faufile dans les airs. Un petit écureuil vient me faire un clin d'œil. Ah, quel soleil magnifique! Ah, quel matin radieux! L'air est empli de musique et tout sourit à mes voeux. Le village prend un air de fête, le ciel bleu lui tourne un peu la tête. Par les chemins creux s'en vont les amoureux, et de chaque buisson montent mille chansons. Ah, quel soleil magnifique! Ah, quel matin radieux! L'air est empli de musique et tout sourit à mes voeux. Et tout sourit à mes voeux. Juste un instant, vous avez pu entendre Fin des cas. Et puis juste maintenant, vous avez pu entendre tout simplement une des chansons de Pierre Colombo et le titre La vieille musique. Avec Arc-en-Ciel, découvrez la passion de la musique. Elle s'est vendue pour de la peau, un jour qu'elle en avait plein le dos, la vieille musique. Elle s'est donnée pour presque rien, sans même savoir si c'était bien. Drôle de tactique. Elle a quitté le vieux quartier dans sa vieille robe qu'a trop marché. Elle est partie pour oublier la vieille musique. Quand la voiture s'est avancée, des gens aux fenêtres se sont penchés. Sacrée musique. Elle est partie sans se retourner. Elle avait déjà oublié la vieille musique. C'est pas l'amour, nous on le savait. On ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Elle est partie et nous laisser la vieille musique. Dans le village, quand ça s'est su, il y a d'autres jeunes qu'on n'a plus revus. La même musique. Ça donnait comme un bourdon. C'était pire qu'une contagion. oublions nos vraies musiques. Les vieux disaient qu'on reviendrait, mais sûr qu'au fond, ils nous enviaient. Quand on est parti, on chantait la vieille musique. Maintenant, de temps en temps, je vais retrouver ce qu'on appelait la vieille musique. Rien n'a changé, c'est comme avant. Dans les rues, il y a des enfants. La même musique. Et dans leurs yeux brillent déjà de folles envies. Je connais ça. Et puis un jour. Sacrée musique. Voici donc Jean Valenti, le titre Nuit de Séville. Quand la nuit s'étend sur les Séville, dans toute la ville, monte des chansons. L'amant que la passion égare, avec sa guitare, passe sous un balcon. Pour la belle aux yeux noirs qui le tourmente, il chante dans le soir, vibrant d'espoir. La la la la la la la la la la la la. Oh ma belle señorita que j'implore, oh ma belle señorita je t'adore. Dans la nuit tout embaumé si je soupire, c'est pour te dire mon grand amour. Le cœur des hommes palpite d'espérance, le cœur des femmes est plein de romans qui commencent. Le plus beau roman c'est celui dont je rêve, vivre sans trêve, toi et moi toujours. Pour le voyageur solitaire, tout ce beau mystère est fort enchanteur. Dans les jardins sous l'armentille, bien des jolies filles ont les yeux rieurs. Comment ne pas avoir folie en tête quand tout parle d'amour et de désir. La la la la la la la la la la la la la la. Oh belle señorita, on vous implore, oh belle señorita, on vous adore. Dans la nuit tout embaumé, si l'on soupire, c'est pour vous dire les mots d'amour. Le cœur des hommes palpite d'espérance, le cœur des femmes est plein de romans qui commencent. Le plus beau roman c'est de vivre sans trêve, comme on rêve, en aimant toujours. Le cœur des hommes palpite d'espérance, le cœur des femmes est plein de romans qui commencent. Le plus beau roman c'est celui dont je rêve, vivre sans trêve, toi et moi toujours. La la la la la la la la la la la la la la la. Voici donc Cassis, chanté par Claude Robin. Une mer bleue sous un ciel bleu, avec des pins qui penchent, mais oui. Un beau soleil toujours joyeux, et des calanques blanches paradis. Des filles avec de jolis yeux, qui marchent en jouant de la chemise. Un petit port l'air tout heureux, où tous les jours chante dimanche. Une fleur à la boutonnière de la province et du midi. Cassis, le cœur léger, la mine altière qui vous accueille et vous sourit. Cassis, gentiment offre à sa manière toutes les beautés du midi. On se croirait au paradis. Sur le quai des Baux le matin, lorsque les pêcheurs se prélassent ravis, si vous voulez quelques oursins, je connais la meilleure place assis devant la bouteille de vin qui se rafraîchit dans la glace. Je dis, pour moi c'est vraiment le seul coin que rien au monde ne remplace. Tu seras toujours la plus belle des plages de tout le midi, Cassis. Sous ton ciel bleu et sa lumière, les étrangers sont ébahis, Cassis. Comme Mistral à sa manière, en si beau vers la si bien dit. Cavis Paris et non Cassis. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Programme pour ce week-end, donc eh bien déjà pour le vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel pour les musiciens découvertes, juste après lui, entre 19h jusqu'à 21h, avec l'émission de Albino avec Marika. Et puis demain on sera samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, eh bien vous allez retrouver Christine avec l'émission Portugal, nous, Corréziens. Et puis donc, suivi juste après, à partir de 14h jusqu'à 16h, avec tout simplement l'émission de Carla. Et puis, juste après, entre 16h et 18h, avec Noche Flamenca, avec Julien. Et puis passons par le dimanche matin, entre 10h jusqu'à 12h30, avec le téléphone sonne, donc ils sont trois, avec Julien, Katia et Jérôme. Tout simplement, eh bien, c'est à vous de faire l'émission. Bonjour à Florian, voici donc une des chansons, donc aussi une chanteuse portugaise qu'il aime bien aussi, donc eh bien la voici, puis donc d'autres chansons qui déroulera juste après. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Portugal, Colônia. abrigo-me da igreja. Só boa gente com certeza, de férias a festejar. Ao longe vê-se o arraial, já brilha o cimo da igreja. É agosto em Portugal, que o nosso povo tanto deseja. Não há como o mês de agosto, as romarias são a nossa tradição. Sera aux îles d'Orléans le 21 janvier 2022. Donc il sera aux îles d'Orléans, Tony Carrera, le 21 janvier 2022. Voici donc un de ses titres. Eu sei que andas dizendo tão mal de mim. No fundo tens direito por eu ter feito tudo o que fiz. Esta é a verdade, toda a razão te dou. Mas diz bem da metade de mim que tanto amou. Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido. Diz mal de mim agora pelas loucuras que eu fiz contigo. Podes chamar-me tudo pelos desgostos que eu já te dei. Diz mal de mim agora, mas nunca digas que eu não te amei. Dessa maneira tão violenta, mas todo o teu rancor é sempre melhor que a tua indiferença. Podes crucificar-me, eu mereço o pior, mas não podes culpar-me de não ter dado amor. Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido. Diz mal de mim agora pelas loucuras que eu fiz contigo. Podes chamar-me tudo pelos desgostos que já te dei. Diz mal de mim agora, mas nunca digas que eu não te amei. Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido. Diz mal de mim agora, pelas loucuras que eu fiz contigo. Podes chamar-me tudo, pelos desgostos que eu já te dei. Diz mal de mim agora, mas nunca digas que eu não te amei. Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido. Diz mal de mim agora, pelas loucuras. dar-me tudo pelos desgostos que já te dei. Diz mal de mim agora, mas nunca digas que eu não te amei. Mas nunca digas que eu não te amei. Mas nunca digas que eu não te amei. Mas nunca digas que eu não te amei. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Retour avec les chansons. Voici donc Prêt Merval, les pigeons. Deux pigeons s'aimaient, ils roucoulaient. Le pigeon disait, toujours je t'aimerai. Ils se frôlaient, se cajolaient, leur lune de miel. je t'apprendrai à danser, tu verras, c'est le beau refrain de sa qui chante et qui danse, la chanson revient des vacances. Belle comme la France, elle nous recommence un joli refrain de Provence. Avec l'accent qui lui vient, elle fait danser Valenciennes. Elle déchire ronde à Paname, blonde et rose en Picardie. Comme la France qui chante et qui danse, la chanson nous parle de l'amour. Belle comme la France, voilà qu'elle s'avance, elle est de retour. Elle a repris ses ailes et ses accordéons. Elle se fait belle, rappée rebelle, bien naïve, gentille et java. Elle s'émancipe, mais par principe, on ne la changera pas. Belle comme la France qui chante et qui danse, la chanson revient de vacances. Belle comme la France, elle nous recommence un joli refrain de Provence. Avec l'accent qui est vienne, elle fait danser en Auvergne. Elle est chironde à Paname, blonde et rose en Picardie. Belle comme la France qui chante et qui danse, la chanson nous parle de l'amour. Belle comme la France, voilà qu'elle s'avance, elle est de retour. Belle comme la France qui chante et qui danse, la chanson revient de vacances. Belle comme la France, elle nous recommence un joli refrain de Provence. Avec l'accent d'où qu'il vienne, elle fait danser Valenciennes. Elle est gironde à Paname, blonde et rose en Picardie. Belle comme la France qui chante et qui danse, la chanson nous parle de l'amour. Belle comme la France, voilà qu'elle s'avance, elle est de retour. Comme la France, voilà qu'elle s'avance, elle est de retour. Si voilà. Soleil, au milieu de la nuit, j'ai rencontré Philomène, une fille super sexy. Elle est tellement jolie que j'en rêve dans mon lit. C'est une princesse, moi je l'imagine partageant toute ma vie. Mais hélas, pour de moi, elle ne me regarde pas. Ce qu'il aime, c'est son choix, c'est danser le zumba. C'est une danse de son pays, un soleil d'après minuit qui fait bouger, bouger, danser, danser, c'est un paradis. On lève la main gauche, on lève la main droite, et tape, et tape, et tape, et dans vos mains. Oh, oh, oh, c'est le zimbola. l'ambiance de la fête. Oh, cha-la-la-la-la. Elle m'a dit, viens là, c'est le Zimbola. Moi, je n'attends plus que toi. Réfléchir, j'ai suivi ma Philomène. Peu importe ce qu'ils vont dire, moi je sais que c'est elle que j'aime. Emportée par le désir, fruit d'un amour éternel, j'ai décidé à passer la nuit tout près de ma demoiselle. Quand elle s'approcha de moi, j'étais dans tous mes états. Elle me dit, écoute ça, c'est la danse du Zimbola. Viens ici, essuie mes pas. Viens danser tout près de moi. Ça fait bouger, bouger, danser, danser. Oh, n'hésite pas. On lève la main gauche, on lève la main droite. Et tape, et tape, et tape dans vos mains. Oh, oh, oh. C'est le Zimbola. Ça fait ding-dong dans ma petite tête. C'est l'ambiance de la fête. Oh, oh, oh. Cha-la-la-la-la. Elle me dit, viens là, c'est le Zimbola. Moi, je n'attends plus que toi. La nuit, emportée par la musique, une ambiance de folie. C'était beau, c'était magique. Depuis cette nuit d'été, mon cœur ne fait que rêver. Philomène et moi, on vit sous le même toit, et je n'attendais que ça. Le samedi après minuit, on retrouve tous nos amis. Pour oublier nos soucis, on rejoue la comédie. C'est toujours le Zimbola qui réunit nos deux vies. Ça fait bouger, bouger, danser, danser, ma petite chérie. On lève la main gauche, on lève la main droite. Et tape, et tape, et tape dans vos mains. Oh, oh, oh, c'est le Zimbola. Ça fait ding-dang-dong dans ma petite tête. C'est l'ambiance de la fête. Oh, oh, oh, cha-la-la-la-la. Elle me dit, viens là, c'est le Zimbola. Moi, je n'attends plus que toi. radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc André Dansary. Titre s'appelle Toi, tu sais, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ça se voit en moi, cœur ouvert. Mes joies et mes peines sont pour moi sans aucun mystère. Moi, tu sais que ma vie ne peut pas sans toi s'imaginer. Moi, c'est ma tragédie de ne rien savoir de tes pensées. Si seulement un jour tu veux apprendre deux ou trois mots d'amour, rien que pour moi, j'aurais enfin la joie de les entendre, les phrases tendres. Déjà je te l'ai dit, mais dis-moi que tu m'aimes, une fois me suffit. Oui, dis-moi que tu m'aimes. Fille en fille, de cœur en cœur, je traîne ma vie. Je suis partout, je suis ailleurs, je passe mes nuits et que m'importe si chaque fois j'ouvre une porte où meurt la joie. D'aimer et d'être aimé au seuil de l'amour, de fille en fille, de jour en jour, je cherche l'oubli de ce qui fut et qui n'est plus qu'une comédie très mal finie, comme celle que l'on joue de cœur en cœur. De fille en fille, je veux guérir d'un mal inconnu, me libérer d'un souvenir, d'un rêve perdu, et quand mes larmes seront séchées, j'aurai une arme pour mieux lutter. Derrière moi, un monde insensé, pour retrouver dans d'autres bras un peu de pureté, j'irai crier sur tous les toits que j'ai tué ce qui fut toi et vivre sans pleurs de fille en fille, de fille en fille, de cœur en cœur. Avec le titre, tout simplement, Le Grand Départ. Je partirai au-delà des montagnes et deviendrai ta plus douce compagne. J'irai sur le chemin qui me conduira loin. J'irai de bon matin, le cœur en fête. Et sur la route, au loin, poussée par le destin, je serai là, demain tout près de toi. Je sèmerai la graine de l'espérance qui me délivrera de la souffrance. J'irai sur le chemin qui me conduira loin. J'irai de bon matin, le cœur en fête. Et sur la route, au loin, poussée par le destin, je serai là, demain tout près de toi. Je creuserai la tombe la plus profonde et partirai confiant en un autre monde. J'irai sur le chemin qui me conduira loin. J'irai de bon matin, le cœur en fête. Et sur la route, au loin, poussée par le destin, je serai là, demain tout près de toi. Voici donc qu'elle s'appelle René Lebas et le titre Mon ami, réveille. Mon ami, réveille-toi. Chaque jour la vie te file entre les doigts. Que veux-tu? Tu vis la tête sous les draps. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. La fortune vient en dormant. On dit ça, mais si tu dors en attendant, ça lui donne envie d'en faire tout autant. Réveille-toi, le temps c'est de l'argent. Le temps, si tu crois qu'il t'attend, il n'en a pas le temps. Il court comme un enfant. Et retiens-le, et retiens-le si tu le peux. Tu t'es fait un monde à toi qui ressemble au lendemain de Mardi Gras. Va reprendre tes rêves à la cloche de bois. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. Tu es né le samedi de la semaine des quatre jeudis. Le dimanche était trop près quand au lundi c'était férié. Mais ceux qui t'ont raconté que ton horoscope était cassé, c'est qu'ils cherchent un peu trop loin pour trouver ton destin. Le ciel n'y peut rien, serre-toi de tes mains. Mon ami, réveille-toi. Tu me fonds le cœur en deux quand je te vois. Toi sous un plafond, le plafond sous un toit, et sur le toit des soleils que tu ne vois pas. Mon ami, réveille-toi. Si tes yeux cousus ne comprennent pas ça, dis-leur de se mettre l'envers à l'endroit. Et puis mets-toi la tête en l'air, les pieds en bas. Fini le rêve de ta vie, et ton rêve fini. Va-t'en vivre ta vie, l'amour t'attend, profites-en. L'avenir dépend de toi, il te prend comme un jouet au bout des doigts. Si tu dors, il vient se coucher avec toi. mes coudes, il t'emportera dans ses bras. Oh mon ami, réveille-toi. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici quelques morceaux de trompettes. Avec Jean-Claude Borrelli. Thank you. tard, courent dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Et le titre, tout simplement, s'appelle Les Hommes Amis. Ma tendre enfance chante tous les beaux jours, à jamais fini. Et comme les bergers des montagnes de France chantent le ciel léger de mon beau pays. Parfois loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, pour vous bénir des premières saisons. Mes 20 années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chantent les souvenirs, chantent ma tendre enfance, chantent tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de France chante le ciel léger de mon beau tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Christine Lise et le titre s'appelle tout simplement Brin d'amour. Les premiers temps, ce fut charmant, il s'était mis en ménage. Quand elle partait, les gens disaient, ça ne finira jamais. On l'appelle brin d'amour, elle est belle comme le jour, et s'en va du bonheur et plein les yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas, nous tâcherons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement, un baiser, un serment. plein d'amour. Le plus souvent, tous les romans sont finis dès le prologue. Mais tous les deux, c'est beaucoup mieux, vivent un beau rêve bleu. Il l'appelle brin d'amour, elle sourit tout le jour et l'on voit du bonheur plein leurs yeux. Car elle aime le beau gars qui gaiement lui prouva qu'on peut être heureux quand on est deux. Je n'ai rien inventé, ça peut vous arriver. C'est facile comme bonjour, il suffit de trouver un brin d'amour, c'est tout. Voici donc Jolie Petite Étoile avec tout simplement Daniel Darieux. Petite étoile, avant de m'endormir, j'attends que tu me dévoiles tout mon avenir. J'aimais de tout mon être, mon bonheur est parti. Jamais une lettre, et peut-être que tout est fini. Jolie petite étoile, j'espère ton retour. Petite étoile blême, pourquoi faut-il chérir ce qui ne fait pas de même et toujours souffrir? Dans le grand ciel sans voile, viens vite à mon secours. Souris-moi, étoilé, tout paraît irréel. Et dans cet or semé sur les routes du ciel, on peut lire, dit-on, le futur, le passé. Moi, je voudrais savoir ce qui va se passer. Petite étoile blême, pourquoi faut-il chérir ce qui n'aime pas de même et toujours souffrir dans le grand ciel sans voile? Vers la victoire, par le sang les compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le jour le plus long. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout au long, et l'espoir est tout au fond, et les cris sont des millions. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le jour le plus long. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le jour le plus long. C'est aussi ça. Allez les amis, tapez dans les mains. On va faire la fête entre nous. Vous êtes prêts? C'est parti! Tapez dans les mains. Alouette, je peux plus me rendre. de la ville, ville, ville, mon, ils m'ont failli, maman. Les gens de la ville, ville, ville, mon, ils m'ont failli, maman. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Quand le prieur nous engueule, on lui chante des chansons. C'est ça qui est bon, qui est bon, qui est bon. L'émission ensuite à sa fin, donc on va se terminer, puis on va se retrouver tant que la semaine prochaine. Donc on va voir, et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes, mais avant de se dire bonsoir, on va terminer l'émission avec un titre d'une chanson de différent, c'est ACDC, c'est seulement pour un ami qui s'appelle son surnom, Fred, mais c'est Frédéric, voilà donc qu'il se reconnaîtra tout simplement. Voici donc un titre pour lui, donc ACDC. À beaucoup, ma friend. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Accaparé, c'est accaparé. sanitaire d'aqueduc. La nuit je mange, je prends les trains à travers la plaine. La nuit je mens, tranquillement. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. arrivez en frissonnant. Il y a derrière la porte un colosse qui m'attend, qui me prendra par la taille et me fera valser comme un fétu de paille au milieu de la cave. Au bar des cloporteux, si tu veux t'y asseoir, faut pousser la viande morte qui s'affale au comptoir et prendre ton mal en patience pour un verre. Tout dépend du moral du loufia qui te sert. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, des filles longues et sinueuses vous invitent, vous exhortent à la mettre en veilleuse, à passer à l'action, plutôt à la caisse. Elles ont pour toute mission d'attiser nos faiblesses. Au bar des cloportes, les vestiaires se grouillent avant que tu ne sortes d'organiser la fouille en règle de tes poches pour te laisser à sec, tel un jambon broche sans l'ombre d'un copec. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, une fugade aux bretonnes rend un peu plus accorte l'humeur de la patronne, qui t'embrasse selon la longueur de la note que tu laisseras au fond du tiroir. Au bar des cloportes, j'y ai vu des soutanes venir frapper aux portes d'un paradis profane. Des gens un peu connus, que ça arrange bien de voir sans être vu, loin de leur Marocain. Et au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Des barques, y a toujours deux trois potes pour tenir la baraque. Le temps que l'on efface, on vit sous les marquises, les ersatz et les traces de nos soirées esquisses. Au bar des cloportes, c'est là où on dansait les éclopés de toutes sortes, les cœurs déchirés et leurs amours mortes pour se consoler. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, vous êtes tous invités. Thank you. pelo senhor. A cabra da minha vizinha, ela come tudo bom com o senhor. Imaginem vocês ainda comeu os tomates daquele senhor. A cabra da minha vizinha, ela come tudo bom com o senhor. Imaginem vocês ainda comeu os tomates daquele senhor. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. s'épare. Ese tiempo mientras andaba descalzo caminando por la nada, que te estaba esperando, ¿dónde estabas? Llega como el aire atravesando la cortina, desatando tempestad en mi vida, despertando mis sentidos que morían. Sabor y yo tu luz, anda y hazle un hueco en tu corazón. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mis melodías. Y lo he sentido, yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mi melodía.

este guiñe, guiñe, guiñe, guiñe. C'est du soleil toute la journée. Yeah. tocar. No digas não, que eu não me vou aguentar. Se não me der coração, eu vou ter que o roubar. Ai, ai, ai, amor, dá-me um beijinho agora, eu te peço por favor. Ai, como é que é? Ou dás-me um beijo na hora, ou então eu bato o pé. Eu bato o pé. Eu bato o pé. Quer mal, Que ce tempo é para nós, ce tempo é para nós, amar-te é o principal. Quem foi que disse, quem foi que disse, esse boato que anda por aí assim? Quem foi que disse, quem foi que disse, que a minha Alice agora fugiu de mim? Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. A minha prova de amor é este amor tão sincero. Dizes que gostas de mim, dizes que gostas de mim, eu digo quanto te quero. Não vamos perder o tempo a pensar quem nos quer mal. Esse tempo é para nós, esse tempo é para nós, amar-te é o principal. Quem foi que disse, quem foi que disse, esse boato que anda por aí assim? Quem foi que disse, quem foi que disse, que a minha Alice agora fugiu de mim? Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Correndo o mundo todo em busca do calor. apartamento. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi coisa belinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais pressa.